addition à la lettre précédente. Je vais jeter sans ordre sur le papier des phénomènes qui ne m'étaient pas connus et qui serviront de preuve ou de réfutation à quelques paragraphes de ma lettre sur les aveugles. Il y a 33 à 34 ans que je l'écrivais. Je l'ai relu sans partialité et je n'en suis pas trop mécontent, quoique la première partie m'en ait paru plus intéressante que la seconde et que j'ai senti que celle-là pouvait être un peu plus étendue et celle-ci beaucoup plus courte. Je les laisserai l'une et l'autre telles que je les ai faites, de peur que la page du jeune homme n'en devint pas meilleure par la retouche du vieillard. Ce qu'il y a de supportable dans les idées et dans l'expression, je crois que je le chercherai inutilement aujourd'hui, et je crains d'être également incapable de corriger ce qu'il y a de répréhensible. Un peintre célèbre de nos jours emploie les dernières années de sa vie à gâter les chefs-d'œuvre qu'il a produits dans la vigueur de son âge. Je ne sais si les défauts qu'il y remarque sont réels, mais le talent qu'il rectifierait ou qu'il ne l'eût jamais s'il porta les imitations de la nature jusqu'aux dernières limites de l'art ou s'il le posséda, il le perdit, parce que tout ce qui est de l'homme périt avec l'homme. Il vient un temps où le goût donne des conseils dont on reconnaît la justesse, mais qu'on n'a plus la force de suivre. C'est la pusillanimité qui naît de la conscience de la faiblesse, ou la paresse, qui est une des suites de la faiblesse et de la pusillanimité, qui me dégoûte d'un travail qui nuirait plus qu'il ne servirait à l'amélioration de mon ouvrage. Solue senescentem mature sanus equum, ne pecet ad extremum ridendus, et ilia ducat. Horace, Epistolar, livre 1, épiste 1, verset 8-9. Phénomène 1. Un artiste qui possède à fond la théorie de son art et qui ne le cède à aucun autre dans la pratique m'a assuré que c'était par le tact et non par la vue qu'il jugeait de la rondeur des pignons, qui les faisait rouler doucement entre le pouce et l'index, et que c'était par l'impression successive qu'il discernait de légères inégalités qui échapperaient à son œil. 2. On m'a parlé d'un aveugle qui connaissait au toucher quelle était la couleur des étoffes. 3. J'en pourrais citer un qui nuance des bouquets avec cette délicatesse dont Jean-Jacques Rousseau se piquait lorsqu'il confiait à ses amis, sérieusement ou par plaisanterie, le dessein d'ouvrir une école où il donnerait leçon aux bouquetières de Paris. 4. La ville d'Amiens a vu un appareilleur aveugle conduire un atelier nombreux avec autant d'intelligence que s'il avait joui de ses yeux. 5. L'usage des yeux ôtait à un clairvoyant la sûreté de la main. Pour se raser la tête, il écartait le miroir et se plaçait devant une muraille nue. L'aveugle, qui n'aperçoit pas le danger, en devient d'autant plus intrépide. Et je ne doute point qu'il ne marchât d'un pas plus ferme sur des planches étroites et élastiques qui formeraient un pont sur un précipice. Il y a peu de personnes dont l'aspect des grandes profondeurs n'obscurcisse la vue. 6. Qui est-ce qui n'a pas connu ou entendu parler du fameux Daviel ? J'ai assisté plusieurs fois à ses opérations. Il avait abattu la cataracte à un forgeron qui avait contracté cette maladie au feu continuel de son fourneau. Et pendant les 25 années qu'il avait cessé de voir, il avait pris une telle habitude de s'en rapporter au toucher qu'il fallait le maltraiter pour l'engager à se servir du sens qui lui avait été restitué. Daviel lui disait en le frappant « Veux-tu regarder, bourreau ?» Il marchait, il agissait. Tout ce que nous faisons les yeux ouverts, il le faisait, lui, les yeux fermés. On pourrait en conclure que l'œil n'est pas aussi utile à nos besoins, ni aussi essentiel à notre bonheur, qu'on serait tenté de le croire. Quelle est la chose du monde dont une longue privation, qui n'est suivie d'aucune douleur, ne nous rendit perte indifférente, si le spectacle de la nature n'avait plus de charme pour l'aveugle de Daviel ? La vue d'une femme qui nous serait chère. Je n'en crois rien, quelle que soit la conséquence du fait que je vais raconter. On s'imagine que si l'on avait passé un long temps sans voir, on ne se lasserait point de regarder. Cela n'est pas vrai. Quelle différence entre la cécité momentanée et cécité habituelle. 7. La bienfaisance de Daviel conduisait, de toutes les provinces du royaume, dans son laboratoire, des malades indigents qui venaient implorer son secours, et sa réputation y appelait une assemblée curieuse, instruite et nombreuse. Je crois que nous en faisions partie le même jour, M. Marmontel et moi. Le malade était assis, voilà sa cataracte enlevée. Daviel pose sa main sur des yeux qu'il venait de rouvrir à la lumière. Une femme âgée, debout à côté de lui, montrait le plus vif intérêt au succès de l'opération. Elle tremblait de tous ses membres à chaque mouvement de l'opérateur. Celui-ci lui fait signe d'approcher et la place à genoux, en face de l'opéré. Il éloigne ses mains, le malade ouvre les yeux, il voit, il s'écrie « Ah, c'est ma mère !» Je n'ai jamais entendu un cri plus pathétique. Il me semble que je l'entends encore. La vieille femme s'évanouit, les larmes coulent des yeux des assistants et les aumônes tombent de leur bourse. 8. De toutes les personnes qui ont été privées de la vue, presque en naissant, la plus surprenante qui ait existé et qui existera, c'est Mademoiselle Mélanie de Salignac, parente de Monsieur de La Fargue, lieutenant général des armées du roi, vieillard qui vient de mourir, âgé de 91 ans, couvert de blessures et comblé d'honneur. Elle est fille de Madame de Blacy, qui vit encore et qui ne passe pas un jour sans regretter un enfant qui faisait le bonheur de sa vie et l'admiration de toutes ses connaissances. Madame de Blacy est une femme distinguée par l'éminence de ses qualités morales et qu'on peut interroger sur la vérité de mon récit. C'est sous sa dictée que je recueille de la vie de Mademoiselle de Salignac les particularités qui ont pu m'échapper à moi-même pendant un commerce d'intimité qui a commencé avec elle et avec sa famille en 1760 et qui a duré jusqu'en 1763, l'année de sa mort. Elle avait un grand fond de raison, une douceur charmante, une finesse peu commune dans les idées et de la naïveté. Une de ses tantes invitait sa mère à venir l'aider à Graplaire à 19 Ostrogoths qu'elle avait à dîner. Et sa nièce disait « Je ne conçois rien à ma chère tante. Pourquoi plaire à 19 Ostrogoths? Pour moi, je ne veux plaire qu'à ce que j'aime. » Le son de la voix avait pour elle la même séduction ou la même répugnance que la physionomie pour celui qui voit. Un de ses parents, receveur général des finances, eut, avec la famille, un mauvais procédé auquel elle ne s'attendait pas. Et elle disait, avec surprise, qu'il aurait cru d'une voix aussi douce. Quand elle entendait chanter, elle distinguait des voix brunes et des voix blondes. Quand on lui parlait, elle jugeait la taille par la direction du son qui la frappait de haut en bas si la personne était grande ou de bas en haut si la personne était petite. Elle ne se souciait pas de voir. Et un jour que je lui en demandais la raison, c'est, me répondit-elle, que je n'aurais que mes yeux au lieu que je jouis des yeux de tous. C'est que par cette privation, je deviens un objet continuel d'intérêt et de commisération. À tout moment, on m'oblige, et à tout moment, je suis reconnaissante. Hélas, si je voyais, bientôt, on ne s'occuperait plus de moi. Les erreurs de la vue en avaient diminué le prix pour elle. Je suis, disait-elle, à l'entrée d'une longue allée. Il y a à son extrémité quelque objet. L'un de vous le voit en mouvement, l'autre le voit en repos. L'un dit que c'est un animal, l'autre que c'est un homme. Il se trouve en approchant que c'est une souche. Tous ignorent si la tour qu'ils aperçoivent au loin est ronde ou carrée. Je brave les tourbillons de la poussière, tandis que ceux qui m'entourent ferment les yeux et deviennent malheureux, quelquefois pendant une journée entière, pour ne les avoir pas assez tôt fermés. Il ne faut qu'un atome imperceptible pour les tourmenter cruellement. À l'approche de la nuit, elle disait que notre règne allait finir et que le sien allait commencer. On conçoit que, vivant dans les ténèbres avec l'habitude d'agir et de penser pendant une nuit éternelle, l'insomnie qui nous est si fâcheuse ne lui était pas même importune. Elle ne me pardonnait pas d'avoir écrit que les aveugles, privés des symptômes de la souffrance, devaient être cruels. « Et vous croyez, me disait-elle, que vous entendez la plainte comme moi? Il y a des malheureux qui savent souffrir sans se plaindre. » « Je crois, ajoutait-elle, que je les aurai bientôt devinés et que je ne les plaindrai que davantage. » Elle était passionnée pour la lecture et folle pour la musique. « Je crois, disait-elle, que je ne me lasserai jamais d'entendre chanter ou jouer supérieurement d'un instrument et quand ce bonheur-là serait, dans le ciel, le seul dont on jouirait, je ne serais pas fâchée d'y être. Vous pensiez juste, lorsque vous assuriez de la musique, que c'était le plus violent des beaux-arts, sans en excepter ni la poésie ni l'éloquence, que Racine même ne s'exprimait pas avec la délicatesse d'une harpe, que sa mélodie était lourde et monotone en comparaison de celle d'un instrument, et que vous aviez souvent désiré de donner à votre style la force et la légèreté des tons de Bach. Pour moi, c'est la plus belle des langues que je connaisse, Dans les langues parlées, mieux on prononce, plus on articule ces syllabes. Au lieu que dans la langue musicale, les sons les plus éloignés du grave à l'aigu et de l'aigu au grave sont filés et se suivent imperceptiblement. C'est pour ainsi dire une seule et longue syllabe qui à chaque instant varie d'inflexion et d'expression, tandis que la mélodie porte cette syllabe à mon oreille, l'harmonie en exécute sans confusion sur une multitude d'instruments divers, deux, trois, quatre ou cinq, qui tous concourent à fortifier l'expression de la première. Et les parties chantantes sont autant d'interprètes dont je me passerai bien lorsque le symphoniste est l'homme de génie et qu'il sait donner du caractère à son chant. C'est surtout dans le silence de la nuit que la musique est expressive et délicieuse. Je me persuade que, distraits par leurs yeux, ceux qui voient ne peuvent ni l'écouter ni l'entendre comme je l'écoute et je l'entends. Pourquoi l'éloge qu'on m'en fait me paraît-il pauvre et faible? Pourquoi n'en ai-je jamais pu parler comme je sens? Pourquoi m'arrêterais-je au milieu de mon discours cherchant des mots qui peignent ma sensation sans les trouver? Est-ce qu'ils ne seraient pas encore inventés? Je ne saurais comparer l'effet de la musique qu'à l'ivresse que j'éprouve lorsque, après une longue absence, je me précipite entre les bras de ma mère, que la voix me manque, que les membres me tremblent, que les larmes coulent, que les genoux se dérobent sous moi. Je suis comme si j'allais mourir de plaisir. Elle avait le sentiment le plus délicat de la pudeur, et quand je lui en demandais la raison, « C'est, me disait-elle, l'effet des discours de ma mère. » Elle m'a répété tant de fois que la vue de certaines parties du corps invitait au vice, et je vous avouerai, si j'osais, qu'il y a peu de temps que je l'ai comprise, et que peut-être il a fallu que je cessasse d'être innocente. Elle est morte d'une tumeur aux parties naturelles intérieures, qu'elle n'eut jamais le courage de déclarer. Elle était dans ses vêtements, dans son linge, sur sa personne, d'une netteté d'autant plus recherchée que, ne voyant point, elle n'était jamais assez sûre d'avoir fait ce qu'il fallait pour épargner à ceux qui voient le dégoût du vice opposé. Si on lui versait à boire, elle connaissait, au bruit de la liqueur en tombant, lorsque son verre était assez plein. Elle prenait les aliments avec une circonspection et une adresse surprenantes. Elle faisait quelquefois la plaisanterie de se placer devant un miroir pour se parer et d'imiter toutes les mines d'une coquette qui se met sous les armes. Cette petite singerie était d'une vérité à faire éclater de rire. On s'était étudié, dès sa plus tendre jeunesse, à perfectionner les sens qui lui restaient. Et il est incroyable jusqu'où l'on y avait réussi. Le tact lui avait appris, sur les formes des corps, des singularités souvent ignorées de ceux qui avaient les meilleurs yeux. Elle avait l'ouïe et l'odorat exquis. Elle jugeait, à l'impression de l'air, de l'état de l'atmosphère, si le temps était nébuleux ou serein, si elle marchait dans une place ou dans une rue ou dans un cul-de-sac, dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé, dans un vaste appartement ou dans une chambre étroite. Elle mesurait l'espace circonscrit par le bruit de ses pieds ou le retentissement de sa voix. Lorsqu'elle avait parcouru une maison, la topographie lui en restait dans la tête, au point de prévenir les autres sur les petits dangers auxquels ils s'exposaient. « Prenez garde, » disait-elle. « Ici, la porte est trop basse. Là, vous trouverez une marche. » Elle remarquait dans les voix une variété qui nous est inconnue, et lorsqu'elle avait entendu parler une personne quelquefois, c'était pour toujours. Elle était peu sensible au charme de la jeunesse et peu choquée des rides de la vieillesse. Elle disait qu'il n'y avait que les qualités du cœur et de l'esprit qui fussent à redouter pour elle. C'était encore un des avantages de la privation de la vue, surtout pour les femmes. « Jamais, disait-elle, un bel homme ne me fera tourner la tête. » Elle était confiante. Il était si facile, il eût été si honteux de la tromper. C'était une perfidie inexcusable de lui laisser croire qu'elle était seule dans un appartement. Elle n'avait aucune sorte de terreur panique. Elle ressentait rarement de l'ennui. La solitude lui avait appris à se suffire à elle-même. Elle avait observé que dans les voitures publiques, en voyage, à la chute du jour, on devenait silencieux. « Pour moi, disait-elle, je n'ai pas besoin de voir ceux avec qui j'aime à m'entretenir. » De toutes les qualités, c'était le jugement sain, la douceur et la gaieté qu'elle prisait le plus. Elle parlait peu et écoutait beaucoup. « Je ressemble aux oiseaux, disait-elle. J'apprends à chanter dans les ténèbres. » En rapprochant ce qu'elle avait entendu d'un jour à l'autre, elle était révoltée de la contradiction de nos jugements. Il lui paraissait presque indifférent d'être louée ou blâmée par des êtres si inconséquents. On lui avait appris à lire avec des caractères découpés. Elle avait la voix agréable, elle chantait avec goût, elle aurait volontiers passé sa vie au concert ou à l'opéra. Il n'y avait guère que la musique bruyante qui l'ennuyât. Elle dansait à ravir, elle jouait très bien du par-dessus de viol, et elle avait tiré de ce talent un moyen de se faire rechercher des jeunes personnes de son âge en apprenant les danses et les contredanses à la mode. C'était la plus aimée de ses frères et de ses sœurs. « Et voilà, disait-elle, ce que je dois encore à mes infirmités. On s'attache à moi par les soins qu'on m'a rendus et par les efforts que j'ai faits pour les reconnaître et pour les mériter. Ajoutez que mes frères et mes sœurs n'en sont point jaloux. Si j'avais des yeux, ce serait aux dépens de mon esprit et de mon cœur. J'ai tant de raisons pour être bonne. Que deviendrais-je si je perdais l'intérêt que j'inspire ?» Dans le renversement de la fortune de ses parents, la perte des maîtres fut la seule qu'elle regretta. Mais ils avaient tant d'attachement et d'estime pour elle que le géomètre et le musicien la supplièrent avec instance d'accepter leurs leçons gratuitement. Et elle disait à sa mère « Maman, comment faire? Ils ne sont pas riches. Ils ont besoin de tout leur temps. » On lui avait appris la musique par des caractères en relief qu'on plaçait sur des lignes éminentes à la surface d'une grande table. Elle lisait ces caractères avec la main. Elle les exécutait sur son instrument. Et en très peu de temps d'étude, elle avait appris à jouer en partie la pièce la plus longue et la plus compliquée. Elle possédait des éléments d'astronomie, d'algèbre et de géométrie. Sa mère, qui lui lisait le livre de l'abbé de la Caille, lui demandait quelquefois si elle entendait cela. « Tout courant, lui répondait-elle. » Elle prétendait que la géométrie était la vraie science des aveugles, parce qu'elle appliquait fortement et qu'on n'avait besoin d'aucun secours pour se perfectionner. Le géomètre, ajoutait-elle, passe presque toute sa vie les yeux fermés. J'ai vu les cartes sur lesquelles elle avait étudié la géographie. Les parallèles et les méridiens sont des fils de laiton. Les limites des royaumes et des provinces sont distinguées par de la broderie en fil, en soie et en laine plus ou moins forte. Les fleuves, les rivières et les montagnes par des têtes d'épingles plus ou moins grosses. Et les villes plus ou moins considérables par des gouttes de cire inégales. Je lui disais un jour, « Mademoiselle, figurez-vous un cube. » « Je le vois. » « Imaginez au centre du cube un point. » « C'est fait. » « De ce point, tirez des lignes droites, aux angles. » « Eh bien, vous aurez divisé le cube. » « En 6 pyramides égales, » ajouta-t-elle d'elle-même, « ayant chacune les mêmes faces, la base du cube et la moitié de sa hauteur. » « Cela est vrai, mais où voyez-vous cela ?»« Dans ma tête, comme vous. » J'avoue que je n'ai jamais conçu nettement comment elle figurait dans sa tête sans colorer. Ce cube s'était-il formé par la mémoire des sensations du toucher? Son cerveau était-il devenu une espèce de main sous laquelle les substances se réalisaient? S'était-il établi à la longue une sorte de correspondance entre deux sens divers? Pourquoi ce commerce n'existe-t-il pas en moi? Et ne vois-je rien dans ma tête si je ne colore pas? Qu'est-ce que l'imagination d'un aveugle? Ce phénomène n'est pas si facile à expliquer qu'on le croirait. Elle écrivait avec une épingle dont elle piquait sa feuille de papier tendu sur un cadre traversé de deux lames parallèles et mobiles qui ne laissaient entre elles d'espace vide que l'intervalle d'une ligne à l'autre. La même écriture servait pour la réponse qu'elle lisait en promenant le bout de son doigt sur les petites inégalités que l'épingle ou l'aiguille avait pratiquées au verso du papier. Elle lisait un livre qu'on n'avait tiré que d'un côté. Pro en avait imprimé de cette manière à son usage. On a inséré dans le mercure du temps une de ses lettres. Elle avait eu la patience de copier à l'aiguille l'abrégé historique du président Hainaut, et j'ai obtenu de Madame de Blacy, sa mère, ce singulier manuscrit. Voici un fait qu'on croira difficilement, malgré le témoignage de toute sa famille, le mien et celui de 20 personnes qui existent encore, c'est que, d'une pièce de 12 à 15 vers, si on lui donnait la première lettre et le nombre de lettres dont chaque mot était composé, elle retrouvait la pièce proposée, quelque bizarre qu'elle fût. J'en ai fait l'expérience sur des amphigouries de Collé. Elle rencontrait quelquefois une expression plus heureuse que celle du poète. Elle enfilait avec célérité l'aiguille la plus mince, en étendant son fil ou sa soie sur l'index de la main gauche, et en tirant par l'œil de l'aiguille placé perpendiculairement ce fil ou cette soie avec une pointe très déliée. Il n'y avait aucune sorte de petits ouvrages qu'elle n'exécutât, ourlets, bourses pleines ou symétrisées, à jour, à différents dessins, à diverses couleurs, jarretières, bracelets, colliers avec de petits grains de verre, comme des lettres d'imprimerie. Je ne doute point qu'elle n'eût été un bon compositeur d'imprimerie. Qui peut le plus, peut le moins. Elle jouait parfaitement le reversi, le médiateur et le quadrille. Elle rangeait elle-même ses cartes, qu'elle distinguait par de petits traits qu'elle reconnaissait au toucher, et que les autres ne reconnaissaient ni à la vue ni au toucher. Au reversi, elle changeait de signe aux as, surtout à l'as de carreau et au quinola. La seule attention qu'on eût pour elle, c'était de nommer la carte en la jouant. S'il arrivait que le quinola fût menacé, il se répandait sur sa lèvre un léger sourire qu'elle ne pouvait contenir, quoiqu'elle en connût l'indiscrétion. Elle était fataliste. Elle pensait que les efforts que nous faisions pour échapper à notre destinée ne servaient qu'à nous y conduire. Quelles étaient ses opinions religieuses ? Je les ignore. C'est un secret qu'elle gardait par respect pour une mère pieuse. Il ne me reste plus qu'à vous exposer ses idées sur l'écriture, le dessin, la gravure, la peinture. Je ne crois pas qu'on en puisse avoir de plus voisine de la vérité. C'est ainsi, j'espère, qu'on en jugera par l'entretien qui suit et dont je suis un interlocuteur. Ce fut elle qui parla la première. Si vous aviez tracé sur ma main, avec un stylet, un nez, une bouche, un homme, une femme, un arbre, certainement je ne m'y tromperais pas. Je ne désespérerais pas même, si le trait était exact, de reconnaître la personne dont vous m'auriez fait l'image. Ma main deviendrait pour moi un miroir sensible. Mais grande est la différence de sensibilité entre cette toile et l'organe de la vue. Je suppose donc que l'œil soit une toile vivante d'une délicatesse infinie. L'air frappe l'objet, de cet objet il est réfléchi vers l'œil, qui en reçoit une infinité d'impressions diverses selon la nature, la forme, la couleur de l'objet, et peut-être les qualités de l'air qui me sont inconnues et que vous ne connaissez pas plus que moi. C'est par la variété de ces sensations qu'il vous est peint. Si la peau de ma main égalait la délicatesse de vos yeux, je verrais par ma main comme vous voyez par vos yeux, et je me figure quelquefois qu'il y a des animaux qui sont aveugles et qui n'en sont pas moins clairvoyants. Et le miroir ? Si tous les corps ne sont pas autant de miroirs, c'est par quelque défaut dans leur contexture qui éteint la réflexion de l'air. Je tiens d'autant plus à cette idée que l'or, l'argent, le fer, le cuivre poli deviennent propres à réfléchir l'air, et que l'eau trouble et la glace rayée perdent cette propriété. C'est la variété de la sensation et par conséquent de la propriété de réfléchir l'air dans les matières que vous employez, qui distingue l'écriture du dessin, le dessin de l'estampe et l'estampe du tableau. L'écriture, le dessin, l'estampe, le tableau d'une seule couleur sont autant de camaïeux. Mais lorsqu'il n'y a qu'une couleur, on ne devrait discerner que cette couleur. C'est apparemment le fond de la toile, l'épaisseur de la couleur et la manière de l'employeur qui introduisent dans la réflexion de l'air une variété correspondante à celle des formes. Au reste, ne m'en demandez plus rien, je ne suis pas plus savante que cela. Et je me donnerais bien de la peine inutile pour vous en apprendre davantage. Je ne vous ai pas dit, sur cette jeune aveugle, tout ce que j'en aurais pu observer en la fréquentant davantage et en l'interrogeant avec du génie. Mais je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous en ai rien dit que d'après mon expérience. Elle mourut, âgée de 22 ans, avec une mémoire immense et une pénétration égale à sa mémoire. Quel chemin n'aurait-elle pas fait dans les sciences si des jours plus longs lui avaient été accordés? Sa mère lui lisait l'histoire, et c'était une fonction également utile et agréable pour l'une et l'autre. Fin de « Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient ».